Bonjour à tous, mon nom c'est Ariane Assali, je travaille au GERES qui est une association de développement et de solidarité. GERES ça veut dire Groupe Énergie Renouvelable, Environnement et Solidarité. On travaille en France mais aussi à l'étranger dans les pays en développement. Et donc j'interviens aujourd'hui pour vous présenter deux méthodologies d'évaluation du potentiel qui ont été menées en région PACA et une mission d'accompagnement que nous menons donc le GERES avec la Maison Régionale de l'Eau sur la filière petite hydroélectricité en PACA. Donc en guise d'introduction, pourquoi une étude de gisement ? Parce qu'un territoire qui s'intéresse à sa filière énergétique, à sa filière d'énergie renouvelable, se pose principalement les questions suivantes. Les premières questions qui lui viennent sont quel site équipé, donc où, qui intervient, qui est porteur de projet, combien, quelle puissance en production on peut installer, et comment, quels sont les moyens d'installation de ces moyens de production. Donc les études de gisement permettent de répondre aux questions où et combien, a priori, avec d'autres éléments qui sont de la visibilité sur la filière, avec l'identification du potentiel brut, l'identification éventuellement de points bloquants sur la filière en fonction de la filière à laquelle on s'intéresse, et l'analyse enfin de la ressource mobilisable avec un portefeuille de projets. Donc moi je vais vous présenter, comme je vous l'ai dit, deux exemples de méthodologies qui ont été appliquées en PACA. La première est une étude qui a été menée par le CT, qui est un bureau d'études semi-publiques, pour le compte de l'Adréal, qui a été réalisé en 2010, qui s'intéressait uniquement, donc je parle bien d'hydroélectricité, sur le gisement en nouveau projet sur les rivières pour un débit supérieur à 200 litres seconde. Donc quel est le gisement, le potentiel restant sur les rivières pour un débit supérieur à 200 litres seconde. Donc l'ambition est bien de caractériser ce potentiel sur ce potentiel résiduel mobilisable sur les cours d'eau de la région PACA. Donc quelle méthodologie a été appliquée ? Une méthodologie par cartographie à partir de modèles existants qui étaient disponibles auprès de l'Adréal sur les couches hydrographiques, et ensuite un traitement également cartographique à partir de modèles numériques de terrain sur la géographie qui permettait de déterminer le débit et la hauteur de chute de différents tronçons de cours d'eau. Ensuite, pour sélectionner la ressource mobilisable, il a été mis en opposition à ce potentiel brut les enjeux environnementaux qui ont été identifiés sur le territoire sous forme de zonage, et une analyse cartographique a été faite. Donc là je vais vous présenter deux petits exemples. Donc à l'échelle de la région, on a ce zonage environnemental. On peut retrouver les zones Natura 2000, les zones humides, les cœurs de parc, etc. Et en fait, ces enjeux environnementaux ont été triés par rapport au potentiel résiduel sur les cours d'eau. On sait aujourd'hui avec le cadre réglementaire par exemple que si une rivière se situe en cœur de parc national, le potentiel, on ne peut pas effectuer de nouveaux prélèvements et donc on ne peut pas installer de nouvelles turbines hydroélectriques sur la rivière. Donc voilà, il y a eu un criblage en fait de la donnée brute à partir du contexte réglementaire. Donc les cours d'eau ont été découpés en tronçons homogènes, mis en face de ces zonages réglementaires, et au final le calcul des puissances résiduelles a été effectué par tronçon homogène. Donc le résultat, vous avez là un diagramme cumulatif par département et par typologie de ressources mobilisables, avec puissance non mobilisable pour les cours d'eau en cœur de parc national par exemple, et puis la puissance mobilisable sous conditions particulières avec les différentes gammes de restrictions éventuelles. Une cartographie aussi qui existe et qui est consultable sur le potentiel résiduel. Alors voilà, aujourd'hui le résultat c'est ça, de cette étude-là. Nous on pense qu'elle sert essentiellement au service instructeur pour savoir quand ils reçoivent un projet, sur quel tronçon de cours d'eau se situe le projet, c'est mobilisable ou non. Pour un porteur de projet c'est intéressant, mais on n'a pas aujourd'hui dans cette approche-là l'approche vraiment de projet. Est-ce que le terrain est accessible ? Est-ce qu'il existe un acteur sur place qui est capable de porter le projet, etc. Donc c'est une première approche d'un potentiel mobilisable. En 2005, le GERES, donc la structure dont je fais partie, a mené une étude avec une autre méthodologie également sur le potentiel hydroélectrique en PACA, qui a été cofinancée par l'ADEME et la région à l'époque, qui balayait une typologie un peu plus large de projets, donc qui comptait également l'optimisation des centrales en service, la réhabilitation de centrales hors service, sur rivière, eau potable et canaux d'irrigation, qui émergeaient un petit peu à ce moment-là, en 2005. Donc l'ambition, ça a été de faire un inventaire de ce potentiel entre 100 kW et 10 MW, donc petite hydroélectricité comprise. Pour évaluer ce potentiel brut par typologie de projet, en ce qui concerne les projets sur rivière et sur eau potable, on est parti de bibliographies en fait, d'études qui avaient déjà été menées, qui étaient arrivées aux portes des services administratifs, et des études qui ont été menées au niveau régional par l'ADEME et par l'ADREAL. Et au niveau des canaux d'irrigation, on est passé par les fédérations d'irrigants départementaux, on a envoyé des questionnaires pour connaître le potentiel sur les canaux. Ensuite, pour sélectionner la ressource mobilisable, donc là on a classé les projets par typologie et on a appliqué un classement en fait de la potentialité de sortie du projet en fonction de par exemple la motivation de la collectivité en ce qui concerne l'eau potable et les canaux. Donc niveau 1, productible ou puissance, si c'est une bonne puissance ou pas, on classe en fonction de ça. Si la collectivité est motivée, le projet a plus de potentialité de sortir. Et en niveau 3, la faisabilité technique, etc. en fonction de chaque typologie de projet. Donc ces deux méthodologies nous amènent à un résultat cartographique de ce type-là, avec une base de données qui existe et qui est encore consultable sur le site de la mission FE. En chiffres, on a 72 MW de potentiel brut qui se répartit selon les différentes typologies de projets que je vous ai exposées. Pour continuer la présentation, petit comparatif de ces deux méthodes. Donc avec l'étude DREAL-CT, qui est bien une approche géographique à partir de modèles numériques de terrain et de données géographiques de terrain, donc avec un gisement théorique, mais auquel a été appliqué quand même un criblage de projets sur le zonage environnemental, une typologie qui concerne uniquement les rivières. Sur l'étude GRS, ça a été une approche plus de potentiel de projet, donc peut-être moins exhaustive dans tout ce qui est gisement, mais qui a concerné la multitude de typologies de projets et avec un criblage multicritère. Donc maintenant, je vais vous parler de la mission que l'on mène actuellement en PACA, qui s'appelle la mission FE Petite Hydroélectricité Environnement, qui s'intéresse à la filière Petite Hydroélectricité et qui est issue en fait, des résultats de l'étude du GRS en 2005 sur concertation avec l'ADEME, la région, l'Agence de l'eau et l'ONEMA. Donc les résultats de l'étude sur les difficultés de la filière ont été les suivants. Un cadre réglementaire qui est difficile d'approche avec d'un côté, comme vous le connaissez, la valorisation des ressources énergétiques que l'on pousse, et de l'autre côté, la préservation des milieux aquatiques avec l'objectif d'atteindre du bon état en 2015. Comment les porteurs de projets s'en sortent avec ces deux directives européennes. Donc une difficulté de lire la réglementation pour les porteurs de projets. Ensuite, des potentiels qui sont bloqués également par ce cadre réglementaire, donc des projets à inciter des projets, par exemple en rivière, on a un potentiel aujourd'hui qui est de moins en moins mobilisable, donc on va plutôt s'intéresser aux autres potentiels. Sur canaux d'irrigation, ça devient de plus en plus difficile également parce qu'on est sur des politiques de réduction de prélèvement à l'amont, de passage sous aspersion. Donc aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser aux trois autres typologies de projets qui sont la réhabilitation des centrales, l'équipement de réseaux d'eau potable et l'optimisation des centrales existantes. Donc sur le potentiel sur les nouveaux grands barrages en rivière, on peut les oublier aujourd'hui, en tout cas dans notre région. Enfin, des difficultés dans le montage des projets, avec des projets qui sont souvent montés de la façon suivante. Au départ, une étude technico-économique qui amène à un chiffrage d'une rentabilité financière lambda. Ensuite, une étude d'impact qui est menée et qui vient se confronter avec l'étude technico-économique. Et du coup, l'instruction du projet est refusée parce que le volet environnemental n'a pas été pris dès l'amont au niveau de l'étude technico-économique. Donc il y a une information, quelque chose à faire au niveau de l'aide aux porteurs de projets en ce qui concerne le montage de projets. Ensuite, un problème, une difficulté de la filière, ça a été la communication entre les acteurs, avec les conflits que l'on connaît entre la production d'énergie et les protecteurs des milieux. Donc voilà, avec les différents conflits d'usage et d'intérêt qu'on peut retrouver sur les projets. Et puis un cadre commun d'appréciation des projets qui peut différer entre les différents territoires, que ce soit dans le montage de projets, l'instruction des dossiers qui peut différer d'un territoire à l'autre, d'un département à l'autre, le porteur de projet qui peut aussi être différent d'un territoire à l'autre. Donc nous avons proposé en 2007 cette mission d'animation de la filière que nous menons avec la Maison régionale de l'eau, qui est financée par l'ADEME et la région, Et nous avons également régulièrement des comités techniques avec l'Agence de l'eau et l'ONEMA pour suivre un peu ce qui se fait au niveau politique sur le territoire. Donc l'ambition de cette mission, ça a été de chercher cet espace de compatibilité entre l'environnement et la production d'énergie en ce qui concerne l'hydroélectricité, de faire adhérer les acteurs de la filière à cette démarche et de développer des outils et de les faire s'approprier au territoire concerné. Donc le premier axe de travail a concerné en l'accompagnement de porteurs de projets, réalisation de petits diagnostics, c'est un document de 4-5 pages qui récapitule pour un porteur de projet le contexte, le potentiel qu'il y a sur son territoire, les enjeux environnementaux, les éventuels points bloquants auxquels il aura à faire face et les démarches administratives qu'il aura à mener. On a accompagné aussi également des porteurs de projets dans tout ce qui est rédaction de cahiers des charges, animation de réunions, choses comme ça. Donc là, je vous ai mis des photos des types de projets qu'on a accompagnés. Donc ça peut aller de réhabilitation de centrales vraiment en état lamentable, jusqu'à des canaux d'irrigation ou des filatures ou même en rivière. Donc on a accompagné des collectivités, des particuliers, des associations d'irrigants. C'est assez vaste comme type de porteur de projet. Ensuite, le deuxième axe a été produire des éléments d'une culture commune. Donc là, on a organisé des visites de sites, on a fait des fiches d'études de cas sur des sites exemplaires. Et puis là, on est en train de monter un guide méthodologique avec des fiches outils pratiques à destination des porteurs de projets qui balayent autant le contexte régional, la réglementation, mais aussi quel type de turbine je peux installer, quelle aide financière il existe, quel est mon régime administratif en fonction de si le prélèvement existe ou pas, si il a existé pendant 5 ans ou pas. Enfin, c'est assez vaste comme typologie de régime administratif, donc c'est bien pour un porteur de projet de pouvoir récapituler ça. Donc là, un exemple de fiche d'études de cas sur une centrale en service. Au niveau de production de références et d'outils, nous animons aussi un observatoire régional de la petite hydroélectricité qui est issu de l'étude 2005 de gisement. Là, vous voyez tous les sites en service et hors service sur la région PACA. Cette base de données est consultable sur le lien internet que j'ai mis en bas. Si ça vous intéresse, il y a une fiche par centrale en service qui récapitule les acteurs concernés, la puissance installée, la hauteur de chute, quel est le zonage environnemental qui est affecté, etc. Donc sur cette base de données, on a aussi tous les projets en cours, mais bien sûr, ce sont des informations confidentielles, car elles rentrent dans le champ concurrentiel, mais qui nous servent à nous de suivi. Comme élément de culture commune, donc je vous parlais du guide méthodologique, ça c'est une illustration du guide sur les différentes étapes à mener de planification. Donc tout d'abord vous avez l'étude de faisabilité, l'étude d'impact, la concertation avec les services administratifs, et enfin tout ce qui est travaux et puis autres démarches à mener comme le raccordement électrique. Là vous ne voyez pas trop, mais ça peut mettre de 3 ans à 8 ans un projet de ce type-là à sortir en fonction de la typologie de projet. Un troisième et dernier axe de travail sur la mission FEU de cette année, ça a été la sensibilisation et l'animation de la filière. Donc là, c'est tout simplement l'organisation de visites de sites, de journées de sensibilisation. Là, on retrouve un bâtiment de petite centrale sur eau potable, ici également. Bon, là, c'était un turbinage de débit réservé sur un barrage en PACA. J'en ai fini pour la présentation de la mission FEU cette année. Juste pour vous tenir informés, nous l'an prochain, donc ça sera la phase 4 de la mission FEU. Les outils seront finalisés, ceux dont je vous ai parlé, fiches d'études de cas et guides méthodologiques, qui seront diffusés largement auprès des territoires et des bureaux d'études, parce qu'on a établi des cahiers des charges aussi pour réaliser les études de faisabilité et les études d'impact. Donc voilà, l'objectif de l'an prochain, ça sera de diffuser cette démarche auprès des porteurs de projets et des bureaux d'études. Je vous remercie. Merci.